Chapitre 22. Quand la CIA torturait. On ne peut comprendre cet épisode, parmi les plus douloureux de cette histoire, sans se replacer dans le contexte de l'après 11 septembre. Pour les Européens, qui ont vécu depuis les guerres de décolonisation des années 50-60 et les mouvements terroristes d'extrême gauche des années 70, une longue liste d'attentats, il peut être difficile de se replacer dans l'état de sidération et d'indignation qui a frappé le peuple américain à partir de cette date. Aussi spectaculaire que meurtrière, ces attaques simultanées jamais vues depuis Pearl Harbor, et encore l'attaque japonaise n'avait pas eu lieu sur le continent américain, ont créé de facto un état d'exception mêlant patriotisme, humiliation et ressentiment. Dans de telles circonstances, on ne peut s'étonner qu'une opinion publique en manque de repères accepte des mesures qu'elle aurait en d'autres temps rejetées. L'administration Bush n'a donc eu aucun mal à faire passer au Congrès des restrictions significatives aux libertés publiques, notamment dans le Patriot Act. Mais la question de la torture est d'une toute autre nature. Ses avocats reparaissent toujours en période troublée, et celle-ci en est une. Pourquoi, disent-ils, refuser la torture contre des criminels avérés si cela permet d'éviter des attentats et de sauver des vies? N'est-ce pas un moindre mal lorsque la nation est menacée et joue sa propre survie? Des juristes comme Alan Dershowitz commencent ainsi, fin 2001, à débattre de possibles mandats de torture, qui seraient délivrés par les tribunaux dans des cas extrêmes. Mais a-t-on seulement besoin d'en arriver là? Ne faut-il pas distinguer des méthodes de coercition, énergiques certes, de la vraie torture, entendue au sens le plus restrictif possible, comme le fait d'infliger des blessures physiques? La CIA possède une longue expérience de ces questions, compte tenu des expérimentations qu'elle a menées, notamment dans les années 1950-1962. Il est possible d'en tirer profit pour concevoir des programmes qui impliquent le moins possible de brutaliser les prisonniers, voire qui permettent de ne pas les toucher du tout. Privation de sommeil, humiliation, choc thermique, posture inconfortable, privation sensorielle sont autant de techniques qui, séparément, ne menacent pas la vie humaine, mais peuvent une fois combinées avoir des effets psychologiques et physiques dévastateurs. Quel que soit le talent des juristes de l'agence, ces programmes ne peuvent être menés sur le sol américain ou sur des citoyens américains. Mais cela signifie que l'on peut, avec une autorisation présidentielle, imaginer des centres de détention et d'interrogation à l'extérieur du territoire américain. Dans les pays amis du Moyen-Orient, il est déjà arrivé à la CIA de laisser un service local interroger pour son compte des terroristes, avec des techniques de torture très traditionnelles. Selon les règles de l'agence, si aucun agent de la CIA n'est présent lors de l'interrogatoire, il n'y a rien à y redire. Si au contraire un agent est présent dans la salle d'interrogatoire ou l'observe derrière une glace sans tain, l'agence est juridiquement responsable. En Europe, deux pays amis ont accepté d'accueillir le nouveau programme sans poser trop de questions. La Roumanie et la Pologne. Mais les transferts de prisonniers par la flotte aérienne de la CIA, curieusement baptisée « vol de restitution », laissent des traces difficiles à effacer. Ce n'est pas de la commission sénatoriale du renseignement qu'est venue la révélation des prisons secrètes de la CIA. En 2004, le scandale des mauvais traitements commis dans la prison irakienne d'Abu Ghraib, puis dans l'île de Guantanamo, a certes choqué le public, mais n'a pas ébranlé le gouvernement américain, qui a tranquillement stigmatisé un cas isolé de mauvais traitement dû à quelques brebis galeuses de l'armée. Mieux informé de ce qui se passe dans les prisons secrètes, le public américain se retournerait-il contre ses dirigeants? Ce n'est pas sûr. Le temps des critiques viendra, mais plus tard. C'est donc d'Europe, plus précisément du Conseil de l'Europe, qu'est venue l'enquête qui dévoile le détail des exactions commises contre les droits de l'homme par la CIA dans ses prisons secrètes. Le rapport du Suisse Dick Marty, dont nous reproduisons les conclusions et un court extrait, est un travail important, rigoureux et implacable. La CIA et les gouvernements mis en cause ont tenté de le discréditer, mais la quantité et la précision des faits rapportés ne jouent pas en leur faveur. La lecture de ce texte, disponible sur le site du Conseil de l'Europe, est indispensable pour saisir l'ampleur du problème. Car ce rapport n'a trouvé que peu de traductions politiques concrètes au niveau européen. Nombreux sont les gouvernements qui refusent de charger la CIA, avec qui leurs services coopèrent par ailleurs dans l'intérêt commun de la lutte contre le terrorisme. Cela signifie-t-il que tout est acceptable ? Il serait au minimum nécessaire que ces questions puissent être débattues publiquement. Il est difficile de juger des résultats de ces programmes, mais tout porte à croire qu'ils sont modestes, rapportés aux moyens mis en œuvre, et aux déchets, c'est-à-dire aux prisonniers détenus par erreur. On le sait, la torture provoque rarement des confessions fiables. Le prisonnier est prêt à avouer n'importe quoi pour que cessent ses souffrances. Certes, les programmes plus sophistiqués de la CIA ont la réputation de présenter un meilleur rendement. La torture physique provoque une forte résistance, tandis que la torture psychologique essaie de persuader le prisonnier qu'il est responsable de son sort et que son geôlier peut le sauver s'il coopère. Mais si ces méthodes permettent d'obtenir des résultats, qu'en est-il des prisonniers détenus depuis des années ?